Yeah, Kiba, il est bien? Check. Yeah, Mati. Je reviens d'une soirée, là. Y'a un pote à moi, il s'est fait mash-up par un de ses bombes moclates. Il avait rien fait, mon pote. Non, franchement, y'en a marre. Alors nous, Broda Vive, tu vois, on revient pour dire qu'on ne veut pas de bombes moclates de Panama, Miami. On ne veut pas de bombes moclates de Beauzelle à Champagny. Pas de bombes moclates, la plagne à Vlam City. On ne veut pas de bombes moclates, ni me cagne Ecstasy. On ne veut pas de bombes moclates que le mash-up la partie. On veut juste danser, et cela toute la nuit. Pas de bombes moclates, people, are you ready? Hey yo, people, are you ready? Pas de bombe au clat, si j'en vois un, je l'éclate, man. C'est Fire Bun, pour tout cela, je m'attraque. C'est le Broda Vice parti sur sa lancée. C'est la Savoie Style, mais personne peut nous stopper. On revient Fire à base de DHC, man. La dance soul est chaude, mais ça fait que commencer. Fire Bun, sentez tous vos briquets. C'est ce soir qu'on va tout brûler. Pas de bombe au clat de Panama, Miami. On ne veut pas de bombe au clat de Beauzelle à Champagny. Pas de bombe au clat, la plagne à Vlam City. On ne veut pas de bombe au clat, ni me cagne Ecstasy. On ne veut pas de bombe au clat, qu'elle mash-up la partie. On veut juste danser, et cela toute la nuit. Pas de bombe au clat, people are you ready? People are you ready? Hey. Salomé sing, je viens chanter. Sur le rythme, je viens toaster. C'est l'original Amati qui partit sur sa lancée. Ne peut s'arrêter de chanter, obligé de toaster. C'est l'original Kibai qui partit sur sa lancée. Ne peut s'arrêter de clasher ceux qui veulent nous stopper. Contre les bamboclates qui veulent nous mettre la pression. Oh Root Boy, vas-y, monte le son Teldem. Pas de bamboclates de Panama, Miami. On ne veut pas de bamboclates de Beauzelle à Champagny. Pas de bamboclates, la plagne à Vlam City. On ne veut pas de bamboclates, ni me cagne Ecstasy. On ne veut pas de bamboclates. Qu'elle mash-up la partie. On veut juste danser, et cela toute la nuit. Pas de bambo clap, people are you ready? Et qui bike t'es pro quoi, tu me suis? Ouais, je te suis. Pas de la bambo, clat, clat.